cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Des Hébreux aux Juifs, l'exil à Babylone, au 6e siècle avant Jésus-Christ, les Hébreux sont exilés en Mésopotamie. La route est longue de Jérusalem à Babylone. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Pourquoi cet exil, vieux de plusieurs millénaires, serait-il la matrice de tous les exils? Mireille Hadas-Lebel, bonjour. Bonjour. Alors, il faut poser clairement la situation au moment de parler de l'exil à Babylone. Qui sont les forces en présence? Alors, du côté des Hébreux, qui a-t-il? Alors, parlons un peu d'histoire, des faits. Nous les connaissons par le livre des rois, qui est un livre de la Bible. Et les Hébreux, d'abord, à cette époque, on ne parle déjà plus vraiment d'Hébreux. Il y a eu, après le règne de Salomon, je vais aller très vite, un schisme qui a réparti les anciens Hébreux en deux royaumes. Le royaume du Nord qui a pris pour capitale Samarie avec le temps et le royaume du Sud, qu'on appelle le royaume de Juda, qui a Jérusalem comme capitale et qui a le fameux temple de Salomon. Et cette région est tout le temps tiraillée entre les grands empires. Il faut bien voir la carte de géographie. Il y a d'un côté les empires de l'Est. Alors, c'est d'abord l'Assyrie et puis ensuite la Babylonie. Alors, et l'Assyrie, puis, il y a l'Égypte. Assyrie, L'apostrophe. Voilà. Vous avez parfaitement raison. Et les Assyriens sont des conquérants qui ont fait tomber la capitale Samarie en -722 et qui ont déjà déporté une partie de la population dans le nord de ce qui est l'Irak actuel, du côté de Ninive, Kirkouk, si vous voulez, voilà, pour vous situer. Et puis, le petit royaume de Juda essaie de subsister malgré tout, mais il va pas durer très très longtemps parce que il y a toujours un danger qui arrive de l'Est. Eh bien, ce danger s'appelle Nabucodonosor. Lui, c'est un Babylonien. Il vient du sud de la même région. Il a vaincu les Assyriens. Il a aussi vaincu les Égyptiens dans la fameuse bataille de Carchemish. Et puis maintenant, il s'intéresse à aller vers la Méditerranée. Il y a toujours cette volonté d'arriver au bord de la Méditerranée. Et bien sûr, il rencontre la petite Judée, le royaume de Juda, sur son passage. Et il est prêt à établir un protectorat. Donc, en -597, il déporte le roi, une partie de la population, les nobles, ceux qui savent travailler le fer, les armes, bien sûr. Et puis, il les met en garde, ne pas s'allier avec l'Égypte. Mais le roi qu'ils ont mis à la place du précédent, qui est l'oncle d'ailleurs du précédent, qui s'appelle Sédécias, eh bien, ne va pas obéir. Et c'est là que les choses se gâtent, que 10 ans plus tard, Nabucodonosor est de retour, cette fois bien décidé à en finir. Et les choses se passent très très mal. Jérusalem est l'objet d'un siège qui dure 18 mois. 18 mois, au terme duquel le roi qui avait essayé de s'échapper avec sa famille est arrêté. Il subit un supplice affreux. On avant de lui crever les yeux, on veut que la dernière image qu'il garde soit celle de ses deux fils égorgés devant lui. Ah, c'est une horreur. Et il est emmené à Babylone lui aussi. Mireille Hadas-Lebel, de ce que vous nous dites, moi je retire déjà que ce monde, alors ce ne sont plus les Hébreux, mais c'est un monde divisé en deux royaumes, oui. Hein, Israël au nord et oui. Le royaume de Juda au sud. Alors, précision quand même, parce que lorsqu'on dit juif en français, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire ni d'où ça vient, mais en fait c'est la déformation du mot latin judeus qui calque exactement le mot yehudi, qui correspond à Yehuda, le royaume de Juda, c'est-à-dire celui qui est établi sur les territoires de l'ancienne tribu de Juda, un des 12 fils de Jacob, et dans les monts de Judée, voilà. Là où se trouve Jérusalem. Jérusalem, précisément. Et donc, eh bien, tout autour de ces royaumes, il y a des grands voisins un petit peu envahissants, l'Égypte, l'Assyrie, les Assyriens, et puis les Babyloniens. Mais dans ce que vous nous avez dit, il y a aussi cette idée de déportation civile. Anne Goldberg, bonjour. Bonjour. L'idée de déportation qui ne se fait pas en une fois, de déplacement de population, vous nous l'avez bien dit, là, il y a plusieurs étapes, c'est quelque chose de courant dans l'Antiquité, dans ce monde très complexe, hein, où se croisent énormément de populations. Alors, il y a deux éléments qui sont extrêmement importants. D'abord, il y a l'élément de l'errance. On bouge, c'est la mouvance. Aujourd'hui, on parle de migrants. Mais en fait, les mouvements de population ont toujours existé de toute époque. C'est comme ça que se sont constituées les peuplades. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette mouvance, c'est que là, nous avons affaire à une population qui garde son identité. Et c'est peut-être là que se tient la différence essentielle entre tous les mouvements de population que l'on a connus, ces peuplades dont on découvre des traces archéologiques mais dont on ne connaît rien, et les Juifs, les anciens Hébreux, les anciens Israélites, comme on veut les appeler, qui, eux, ont rédigé cet ouvrage absolument extraordinaire qu'est la Bible. Et c'est grâce aussi à la Bible que l'on comprend, notamment par les textes qui nous rappellent cette histoire de l'exil de Babylone, comment les Juifs ont continué à exister. Oui, c'est vraiment ça la question, parce que ces déplacements de population, vous avez raison de le souligner, c'est intrinsèque à l'histoire. Et dans l'histoire juive elle-même, Mireille Hadas-Lebel, eh bien, nous pensons tout de suite au déplacement des Juifs, des Hébreux qui quittent l'Égypte et puis qui arrivent là. C'est-à-dire que la notion même de déplacement de population est quelque chose qui est déjà dans les esprits. Oui, mais alors il y a des déplacements volontaires, il y a des déplacements qui ne sont pas souhaités. Et dans, en l'occurrence, par exemple, les Assyriens donnent l'exemple d'un déplacement obligé. On déporte, on transporte les populations locales et on fait un échange parce que on envoie dans l'ancien royaume de Samarie des populations venues du nord de ce qui serait l'Irak actuel. Donc c'est quelque chose qui est organisé, qui est voulu et qui n'est pas du tout voulu par les populations, mais pas du tout, parce que pour eux c'est le drame absolu. Quelle est la motivation d'ailleurs pour les Assyriens, voire les Babyloniens, de déplacer entièrement des populations? C'est pour s'assurer qu'au moins sur ces territoires-là, il n'y aura plus personne qui vont les enquiquiner? C'est pas exactement comme ça que la situation se présente, parce qu'il reste beaucoup de gens. La population reste sur place. Ceux qui sont déportés ne sont qu'une infime partie de la population. Ce sont les lettrés. Mais j'aurais voulu ajouter quelque chose à ce qu'a dit Mireille. C'est qu'en fait, il y a une différence que le judaïsme établit d'ailleurs, entre exil, exode et dispersion. Ce sont trois notions qui sont extrêmement différentes. Alors, en français, on n'a pas toujours les mots pour donner les justes définitions, mais vous avez la sortie d'Égypte, qui est un exode, donc les Juifs sortent d'eux-mêmes. Vous avez la dispersion, ce sont les mouvements de population dont j'ai parlé, et puis il y a l'exil. Et alors là, l'exil, on peut mettre une grande cape au mot lui-même, parce que il y a un sens théologique extrêmement fort qui lui est accolé. Oui. Quel est ce sens théologique? Ah ben, tout à fait. C'est que ce sens a été donné surtout par les prophètes qui ont gardé la mémoire, qui ont mis en garde d'abord contre une terrible catastrophe qui pourrait survenir et qui est le châtiment des fautes. Parce qu'on peut pas imaginer que Dieu ne soit pas juste. Donc, si un peuple qui révère Dieu subit une telle catastrophe, ça ne peut être qu'un châtiment. Alors, il faut chercher ce qu'on a fait de mal. Et on cherche, évidemment, on trouve toujours. On a méprisé la veuve et l'orphelin, on a été idolâtre, on s'est laissé tenter par les cultes locaux, etc. Dans le royaume de Juda, dans le royaume d'Israël, justement, on cherche sans doute à comprendre cet exil. Alors, qu'est-ce qui est avancé comme explication? Bien, les péchés d'Israël, ce sont les prophètes qui mettent tout le temps en garde, mais en même temps, vous savez, ils soufflent toujours le chaud et le froid. D'un côté, ils vous annoncent de terribles catastrophes parce que vous avez fait ceci, cela, mais si vous vous repentez, vous aurez le pardon divin. Donc, le pire châtiment, c'est précisément l'exil. La notion de galout en hébreu a un poids, comme vous le disiez, théologique très très fort, que n'a pas le mot diaspora. Parce que diaspora, qui est censé traduire ce mot, signifie qu'on est semé ailleurs. On est semé, donc on prend racine, on est planté. Tandis que galout, c'est vraiment... On est loin de tout ce qui est cher, et voilà, c'est, mais il y a toujours un espoir aussi au bout de la galoute. Il y a toujours une lumière qui brille parce que le pardon peut survenir. Oui, voilà. Et le retour est possible. Le retour est possible. Ça, c'est extrêmement important parce que ça modèle l'esprit juif pour les siècles des siècles. Oui. Au milieu du malheur, il y a toujours un espoir. Le malheur n'est pas définitif. Cette période qui nous intéresse, nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est une période de forte tension géopolitique. C'est exactement ce que vous nous expliquez. Entre des Assyriens, des Babyloniens, des Égyptiens, et ces petits royaumes, sont-ils solides? Alors, nous avons des grands noms de rois, nous les connaissons. Il y a David, il y a Salomon. Ils ne font pas le poids, ou ils essaient en tout cas de conserver une identité. Si David a beaucoup combattu pendant toute sa vie, Salomon, comme son nom l'indique, Shlomo, formé sur Shalom, ça a été un règne de paix, mais un règne qui était quand même fragile. Salomon est en fait dans la Bible présenté comme un roi de légende. On n'arrive pas à saisir quelle a été vraiment la réalité politique de ce temps-là. Alors c'est l'époque où le royaume était uni, mais ça n'a pas duré longtemps. Ils se sont divisés, donc ils se sont fragilisés eux-mêmes. Et en outre, ils ont subi l'assaut de toutes les puissances régionales, et ça a duré par la suite jusqu'à l'époque romaine et au-delà. Sylvie Anna Goldberg, pourquoi cette volonté de mainmise sur ces territoires de la part des Assyriens et des Babyloniens ensuite? Pourquoi? Parce que ça pourrait être un état vassal, tout simplement. Non, il y avait une volonté, en tout cas depuis Jérusalem, de s'affirmer qui déplaisait. Alors nous avons la tradition qui s'est inscrite jusqu'à l'époque romaine d'un peuple qui refusait d'être asservi. Alors la vassalisation, la Bible nous en parle, c'est un fait qui s'est accompli, mais l'idée reste, en tout cas dans la tradition juive, que à Jérusalem, on a toujours en quelque sorte refusé de se prosterner. C'est quelque chose qui est transmis également dans la mémoire collective juive, mais je crois qu'il faut plutôt voir les choses, c'est un lieu de passage, et Mireille l'a très bien expliqué, on a besoin de ces territoires pour passer. Maintenant, l'idée que les juifs ont un culte particulier qui ne peut pas être réduit aux cultes locaux, c'est quelque chose qui est remis en question régulièrement par l'archéologie, mais c'est quand même ce que la tradition nous a transmis. Donc le peuple rebelle... Oui, mais ce n'est pas cela qui motive les grandes invasions venues de l'Est. Et en fait, ces invasions et l'exil à Babylone vont avoir une conséquence considérable, c'est-à-dire l'apparition du véritable monothéisme. Parce qu'on se demande souvent si avant cet exil, il y avait un vrai monothéisme, ou si c'était ce qu'on appelle un énothéisme, c'est-à-dire chaque peuple a son dieu, et bien de même que les Phéniciens ont Baal, les Moabites ont Kémosh, etc. Bon, il y a le dieu d'Israël. Mais lorsque ils sont transplantés là-bas, c'est une élite, on vous l'a dit. Donc la question se pose, est-ce que vraiment le dieu d'Israël aurait été vaincu par le dieu de Nabucodonosor? C'est comme ça que les anciens voyaient les victoires militaires, un dieu contre un autre. Alors à ce moment-là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a un Dieu qui gouverne tout. Et justement, la réponse par le châtiment et le pardon, c'est quelque chose qui va permettre de dépasser cette notion de dieux rivaux. D'autant que à Babylone, on découvre aussi une civilisation très brillante. Imaginez ces petits provinciaux découvrant la porte d'Ishtar à Babylone. Vous voyez celle qu'on voit au Pergamone de Berlin. C'est une merveille. Mais en même temps, ils ont des dieux d'or et d'argent qu'ils mènent en procession. Ils ont l'air de croire à leur pouvoir. Et là, ça suscite toute une série de textes dans la Bible qui est la dérision des idoles. Eh bien, direction Babylone. Ce n'était pas une simple voie de communication, mais un chemin processionnel à la gloire du grand seigneur Marduk, que tous servaient à Babylone, même Nabucodonosor. Des deux côtés se dressent des remparts élevés de 7 mètres d'épaisseur. La route avait 23 mètres de large, et Séram nous dit « Ce ravin de pierre devait inspirer à l'assaillant un sentiment d'angoisse qu'aggravait sans doute un cortège menaçant de quelques 120 lions de 2 mètres de long, aux couleurs éclatantes, dessinées en relief sur les murs et qui semblaient, toutes griffes dehors, aller à la rencontre de l'ennemi. Ils s'avançaient, splendides et orgueilleux, la gueule ouverte laissant voir leurs crocs. De gros cubes de pierre formaient la chaussée et chaque pierre portait sur une face la marque suivante. C'est moi, Nabucodonosor, roi de Babylone. Pour la procession du grand seigneur Marduk, j'ai pavé la route de Babylone avec des dalles de pierre. Marduk, seigneur, accorde-nous la vie éternelle. C'est Alain Decaux et André Castelot qui sont impressionnés par leur visite de Babylone dans l'Antiquité. C'est la Tribune de l'Histoire, hein, l'émission 1953 qui évoque ce souverain babylonien Nabucodonosor, Mireille Hadas-Lebel. Bien sûr, j'imagine, ces gens sont impressionnés, mais par rapport à l'image que nous pouvons avoir d'un peuple qui se déplace entier, vous nous avez bien dit, c'est plutôt une élite, hein, royale, lettrée. Comment sont-ils traités, arrivés à Babylone? Eh bien, ils ne sont pas du tout traités comme des esclaves. D'ailleurs, quand nous voyons dans le livre de Daniel, qui est un livre plus tardif, légendaire, qu'il y a des jeunes gens qui vivent à la cour et qui sont très bien traités. Et en fait, ils vivent surtout dans la nostalgie. La nostalgie, c'est-à-dire l'idée du retour. C'est dans le deuil aussi, puisque nous avons des textes. Là, il faut parler des textes, parce que ce qu'on appelle les lamentations attribuées à Jérémie, c'est une longue déploration. Hélas, elle est assise toute seule, comme une veuve. Ses rues sont désertes, etc. Bon, c'est une déploration sur Jérusalem qui est très très très émouvante. Et puis, vous avez encore bien d'autres textes, des textes des psaumes, sur les rives de Babylone, ça que je pense, on connaît peut-être mieux en latin, en Europe, Super Flumina Babylonis, qui a inspiré le Va Pensiero de Verdi. Oui, c'est cette nostalgie, mais on peut la comprendre, hein, être loin de chez soi. Oui. Mais il y a un travail, parce que vous évoquez ces textes, il y a un travail pour développer cette nostalgie. Quel but, étant donné que ces gens de l'élite ne sont pas si maltraités que ça? Il y a une volonté de former une communauté? Alors, il y a les deux choses. D'un côté, Jérémie dit « tant que vous serez en exil », Jérémie qui a annoncé l'exil, Jérémie dit « tant que vous serez en exil », accoutumez-vous à l'exil, vivez cette vie-là pleinement, plantez des arbres, construisez des maisons. Et puis, il y en a d'autres qui ne se résignent pas. Sur les rives de Babylone, nous avions suspendu nos harpes, nos lyres plutôt, et on nous disait « chantez-nous des chants de Sion, comment pourrions-nous chanter sur une terre étrangère ?» Bien justement, nous allons l'écouter, ce psaume, parce qu'il est sublime déjà. Il est lu dans le cours de l'histoire sur France Culture par Pierre-Marie Baudouin. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au saule qui s'y trouve, nous avions suspendu nos lyres. Nos vainqueurs nous demandaient des chants, nos persécuteurs de la joie. Chantez-nous des chants de Sion. Comment chanterions-nous sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue se colle à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je n'élève pas Jérusalem au sommet de ma joie. Merci Pierre-Marie Baudouin pour cette lecture. Alors, venu de Babylone, la question du texte pose toujours celle qui produit le texte, où et à quel moment ? Nous parlons de l'exil, alors pouvons-nous imaginer que ces textes ont été produits pendant l'exil à Babylone ? Ou est-ce une reconstruction plus tardive ? Ah, ça, ah. Bien malin qui le dira, hein, c'est très difficile. C'est toujours un débat. C'est un très beau poème. Et il y en a d'autres aussi qui répondent à un autre psaume qui est le psaume du retour et qui est superbe. C'est le psaume 126 parce qu'il y a eu un retour. Et ce retour est grâce à Cyrus, roi de Perse, le nouveau conquérant qui conquiert la région et qui, en moins 539, signe un édit à Ecbatane, autorisant tout ce qui le voudrait à rentrer chez eux, parce que ce ne sont pas les seules populations déportées, les Judéens. Hein, ce ne sont pas les seuls. Tous pourront rentrer et servir leur propre Dieu sur leur propre territoire. Alors, qu'est-ce qui motive Cyrus ? D'abord, il a un empire qui est maintenant devenu immense. C'est très difficile à gérer. Il vaut peut-être mieux avoir des gouverneurs locaux. Et il envoie dans l'ancien royaume de Juda, de préférence, des Juifs. Donc, vous voyez qu'ils ne sont pas si maltraités. Mais aussi, il cherche la protection des dieux, de tous les dieux. Or, il pense que s'il est entré à Babylone, c'est parce qu'il a bénéficié de la protection du dieu Marduk, qui est le dieu du lieu, qui a été mentionné tout à l'heure. Hein. Et alors que le dernier roi babylonien, Nabonide, avait été infidèle à son dieu, il était parti pour l'Arabie et il s'était mis au service de la déesse Lune, de la déesse Sin. Et voilà, c'est ça qui lui a fait perdre son empire. Parce que cet exil est daté. On peut donner un 597 avant Jésus-Christ pour le début et 538 pour le retour. Voilà. Mais Sylvie-Anne Goldberg, cette période qui n'est pas si longue quand on compare ça à la longue histoire du peuple hébreu juif, cette période-là est essentielle. Alors, de là à dire que des textes ont été écrits pendant l'exil, on ne le sait pas. Sans doute, il y a une teinte babylonienne dans toute cette production. C'est un moment fondateur. C'est un moment fondateur, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de chercheurs qui pensent qu'une grande partie du judaïsme que nous connaissons s'est, en un sens, cristallisée justement au moment de cette rencontre entre le petit judaïsme de Judée et l'immensité que représentait cet empire, notamment des notions que l'on pourrait appeler mystiques, dans la notion... Alors, est-ce que l'exil en lui-même, en tant que notion théologique, s'est construit et élaboré là-bas ? C'est tout à fait possible. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Lorsque l'on lit les ouvrages, justement, rédigés pour le retour, donc c'est les livres d'Ezra, enfin d'Esdras et de Néhémie, que Mireille vient juste d'évoquer, on peut voir des notions qui deviendront fondamentales à la transmission du judaïsme, s'écrire, se cristalliser. Il y a aussi également des chercheurs qui pensent que beaucoup de notions de l'observance du judaïsme strict se sont élaborées au moment de ce retour. Alors effectivement, il est toujours difficile de savoir quand les ouvrages bibliques ont été rédigés, enfin peut-être pas rédigés, mais à quel moment ils ont trouvé leur formulation finale. Mais ce qui est certain, c'est que la période babylonienne a été l'un des moments, je dirais presque fondateurs, de ce qu'est devenu le judaïsme par la suite. Mireille Adassiobel. Effectivement, puisque c'était les élites, vous avez raison, qui étaient à Babylone et qui ont gardé les textes, on ne sait pas s'ils étaient déjà écrits, ils étaient peut-être oraux, mais qui ont préservé toutes ces traditions. Tandis que lorsqu'ils rentrent au pays, on le voit dans le livre de Néhémie, ils sont extrêmement déçus. La population qui est restée sur place, une population de paysans incultes qui sont en train d'oublier leur propre langue. Mais en fait, celui qui élève la notion de retour à un niveau supérieur, c'est Isaïe, celui qu'on appelle le deuxième Isaïe. Une voix crie, Alors, je dis bien, dans le désert, frayer une voie. C'est pas une voie crie dans le désert, parce que c'est souvent mal cité. Dans le désert, frayer une voie pour le Seigneur, c'est le retour des exilés. Et il annonce que dorénavant, il espère que le Dieu qui ne se représente pas, le Dieu universel, sera reconnu maintenant par le monde entier, et que ce petit peuple sera une or la goïm, c'est-à-dire une lumière pour les nations. L'exil à Babylone serait-il la matrice de tous les exils? Jérémie, Salomon, Nabucodonosor, Babylone. Babylone 21-29, je voudrais parler à Brigitte. Il n'y a pas de Brigitte ici, monsieur. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Babylone 21-29, vous voulez me passer Brigitte? Mais il n'y a pas de Brigitte ici, monsieur! Jean-Yann, Babylone 21-29, qui voulait parler à Brigitte, mais non, il n'y avait pas Brigitte, il y avait Nabucodonosor. Et voilà, dans le cours de l'histoire aujourd'hui, l'exil à Babylone avec ses échos qui traversent les siècles, qui traversent les millénaires. Vous l'avez cité, Mireille Hadas Lebel. Chez Nabucco, il y a le cœur des esclaves. Nabucco, le cœur des esclaves de Verdi en 1842, c'est le cœur de la Scala de Milan avec l'orchestre dirigé par Claudio Abbado. Nabucco, dans le cours de l'histoire sur France Culture, au moment de parler de l'exil à Babylone. Mireille Hadas Lebel, Nous avons évoqué l'importance que revêt cet exil dans une construction de nostalgie et même de mise en forme de la croyance. Mais vous avez évoqué que tous ceux qui étaient exilés ne partageaient pas cette même volonté. C'est-à-dire que il y avait aussi, pour certains, une vie quotidienne complètement normale, presque intégrée au monde babylonien. Oui, semble-t-il. Et ils ont dû aussi avoir une vie religieuse assez intense. On a peut-être créé les premières synagogues, c'est ce que l'on suppose. Mais synagogue est un mot grec qui est apparu en Égypte beaucoup plus tard. Donc on peut le supposer parce que cette vie juive a duré jusqu'à nos jours. Il y avait des juifs en Irak jusqu'aux derniers événements. Et puis, il en reste en Perse, puisque la Perse a pris la place de l'Empire babylonien. Donc, effectivement, ça a permis la persistance d'un judaïsme diasporique. Mais ce judaïsme s'est maintenu tout en gardant le souvenir de l'exil, comme on a gardé le souvenir de la sortie d'Égypte, parce que c'est dans des textes religieux qui sont lus, qui sont perpétués. Donc, il y a non seulement une histoire, mais il y a une mémoire de tous ces événements qui se perpétue, qui est très vieille, une mémoire longue. Figurez-vous que on commémore encore de nos jours, dans les milieux les plus pratiquants, le début du siège de Jérusalem par Nabucodonosor, un jeune. Ensuite, la première brèche dans l'enceinte de Jérusalem, encore un jour de jeûne. Ensuite, la chute du temple et de la ville, qui par une coïncidence extraordinaire coïncide plus ou moins avec celle du deuxième temple. Et on lit les lamentations de Jérémie. Donc ce sont des textes qui sont vivants, qui sont relus. Et puis ensuite, lorsqu'on sort de cette période de deuil au cœur de l'été, eh bien, il y a des lectures d'Isaïe qui annoncent justement le retour. Et donc, vous voyez que la mémoire compte. La mémoire compte. Mémoire longue. Et la transmission de l'histoire. Sylvie Anne Goldberg, vous êtes directrice des études juives au Centre de recherche historique de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez coécrit avec Youssef Yerushalmi, transmettre l'histoire juive. Ce moment exil est très important, mais pour la mise en forme de la croyance même. Au moment d'évoquer le retour, nous l'avons bien entendu, ceux qui étaient en exil découvrent ceux qui étaient restés sur place autour de Jérusalem en disant « mais à quoi croit-il ? » Il y a cette mise en forme, ça ne dure pas si longtemps, c'est pour ça que c'est très important. Nous sommes sur un peu moins d'un siècle, mais ça suffit. Oui, en fait, on nous dit que ça a duré à peu près 70 années, cet exil. Mais je pense qu'il est extrêmement important de bien comprendre que cet exil a aussi donné naissance aux deux pôles qu'a connu le judaïsme dans toute son histoire jusqu'à aujourd'hui. D'un côté, le pôle oriental, c'est-à-dire celui qui a été exilé justement à Babylone, avec toutes les populations qui se sont répandues dans cette sphère, et le pôle occidental, celui soit qui est rentré, donc du premier exil, soit celui qui est resté sur place et qui ensuite s'est dispersé ou répandu dans l'autre sens de la planète. Et ce sont ces deux pôles du judaïsme qui, par leur rencontre, à travers des éléments textuels, à travers des analyses de ce que devait être la religion juive, ont édifié ce judaïsme que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est vraiment un moment de construction, d'édification et de transmission. Mais en même temps, cette histoire qui a été en quelque sorte inscrite dans le marbre, enfin gravée dans la Bible, a marqué profondément toute l'histoire du judaïsme, puisque à partir de ce moment-là, on a décidé d'inclure tous les exils, toutes les formes de persécution, toutes les formes de tribulation qui se sont rencontrées dans l'histoire des Juifs, à travers cette somme, d'une part que sont les lamentations de Jérémie, que l'on récite à chaque fois, mais qui aussi ont produit quelque chose de tout à fait différent, et que l'on trouve dans le texte de Jérémie, qui est ce que moi j'appelle la théorisation de la figure de l'étranger. Et c'est fondamental à la transmission et à la persévérance, si on peut dire, du judaïsme à travers les siècles. Écoutons Jérémie. Construisez des maisons pour vous y installer. Plantez des jardins pour vous nourrir de ce qu'ils produiront. Mariez-vous, ayez des fils et des filles. Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait déporter. Et priez pour elle, car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. Alors, c'était pas vraiment le prophète Jérémie, c'était Pierre-Marie Baudouin, mais enfin, qui lisait le prophète Jérémie. Sylviane Goldberg, en quoi la figure de l'étranger se crée au moment de l'exil? Qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette figure? Alors, cette figure, bon, alors, c'est ce qu'elle a de particulier, je dirais, c'est qu'elle est toujours valable aujourd'hui. C'est quelque chose que l'on retrouve dans l'actualité la plus récente, parce que nous avons des millions de réfugiés qui arrivent un peu partout. Mais l'important, c'est de conserver son identité dans les lieux où l'on va se retrouver. Et c'est quelque chose que l'on peut retrouver même dans des écrits, par exemple chez Simmel, qui a justement rédigé un très très bel essai sur l'étranger. Plus récemment encore, Sanjay Subramaniam, qui a écrit « Comment être un étranger ?» Et voilà que justement la Bible nous apprend comment devenir un étranger tout en restant soi-même. Et alors il y a quelque chose qui ne se retrouve pas dans toutes les versions des traductions de la Bible, mais qui pour moi est fondamental, je dirais, à l'essence du judaïsme. C'est dans Jérémie, donc le chapitre 49 dont nous parlions tout à l'heure, Mireille, au verset 19, alors en hébreu, il y a tout petit passage qui dit, alors je fais une traduction un peu littérale, « Fais-toi un outil pour l'exil ». Moi, je ne le retrouve pas dans toutes les versions françaises. Il m'est arrivé de le chercher dans toutes les éditions américaines. C'est traduit différemment. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Fais-toi un outil pour l'exil. Ça veut dire, tu vas partir en exil, mais fabrique-toi une manière de vivre, d'exister et de rester toi-même. C'est formidable. C'est formidable et c'est vraiment consubstantiel même de cette réflexion que nous avons sur... Qu'est-ce qu'un exilé? Qu'est-ce qu'un étranger? L'archéologie nous offre-t-elle des informations sur cet exil à Babylone? Mireille Hadas Lebel, avons-nous des choses? Alors, sur l'exil à Babylone, à proprement parler, non. On ne peut pas distinguer dans cette masse et dans ces monuments magnifiques des grandes civilisations la présence d'un petit peuple qui ne fabriquait pas de statues et qui adorait son Dieu tout à fait autrement. Donc, ce qu'il faut chercher plutôt, c'est la diaspora d'après. Voilà, comprendre. J'ai beaucoup travaillé sur la diaspora grecque et sur Philon d'Alexandrie en particulier. Et c'est là qu'on comprend bien la différence entre galoute, exil, et diaspora, le mot grec. Parce que à Alexandrie, par exemple, eh bien, les Juifs se sentiront sentiront à l'aise, citoyens de la ville, jusqu'à ce qu'on vienne remettre la chose en question, mais en même temps une fragilité. Il y a une fragilité de la diaspora. Les gens s'installent sans regret, avec quand même toujours tourné vers Jérusalem, dont Philon dit c'est la métropolis, c'est la mère, et nous vivons dans la patrie. Dans la patrie à laquelle nous sommes fidèles, c'est notre père. Vous voyez, Mais en même temps, on sait que des populations locales peuvent ne pas vous accepter comme vous êtes et que vous êtes toujours soumis à des événements imprévisibles. Oui, c'est ça, hein, parce que cette notion est extrêmement complexe et nous avons du mal, même aujourd'hui, à nous projeter. Alors, essayons de nous projeter dans cette antiquité lointaine. Mireille Hadas Lebel, vous êtes professeure émérite d'histoire des religions à l'université Sorbonne Université. Vous avez réfléchi à cette histoire du peuple hébreu, mais sur le temps long, avec des personnages. Vous venez de citer un Philon d'Alexandrie, c'est le titre de la biographie, d'ailleurs, que vous lui avez consacré chez Fayard. Dans cette construction, il y a le retour. Cyrus, vous nous l'avez dit. Mais le moment du retour est une construction nouvelle. Ils reviennent avec tout ce qu'ils ont créé pendant l'exil. Et il faut tout réinventer. C'est tout neuf, en fait. Alors, il faut tout réinventer, mais on pense qu'ils ont aussi rapporté des textes qui se sont créés en exil. On en parlait tout à l'heure. Et il y a une idéalisation de ce retour, enfin, qui n'est pas un retour collectif, puisque nous disions tout à l'heure que certains restent sur place. Il y a environ 50 000 personnes qui rentrent. Mais la vie va reprendre comme avant autour de Jérusalem. Et c'est très important. Et il y a la protection de ces rois à l'époque perse. Vous savez que Cyrus est appelé en hébreu dans au chapitre 45 verset 1 d'Isaïe, je vous le dis, Mashiach. Vous savez ce que ça veut dire Mashiach en hébreu ? Ça veut dire Messie. Alors Messie, évidemment, ça n'est pas pris au sens que Messie a pu prendre par la suite. Le Messie, c'est un roi qui a reçu l'onction et par l'onction, il est investi d'une mission particulière. Donc celui-ci a été choisi par Dieu pour remplir une mission et il a laissé repartir les Judéens dans leur pays, reconstruire leur temple. Et ça n'est pas été sans mal. Puisqu'il y a des populations locales qui l'ont mal pris, qui les voyaient revenir d'un mauvais œil, parce que les Judéens laissés sur place avaient déjà presque abandonné leur religion, leur langue, et donc le retour de l'exil est présenté comme un miracle. Je faisais allusion au psaume 126, lorsque Dieu nous a fait revenir à Sion. Nous étions comme des gens qui rêvent. Et puis, ils reviennent, mais pas les mains vides. Ils ramènent des textes. Et ces textes sont fondamentaux parce que nous les connaissons aujourd'hui. La tour de Babel, bien sûr, il y a un lien avec les ziggourats. C'est probable. C'est très probable. Le déluge que nous retrouvons aussi. Qui est un événement régional, on peut dire, dans toutes les mythologies locales, oui. Donc, il y a un vrai transfert, en fait, culturel. Sylvie Anne Goldberg, dans cette transmission, nous pouvons parler de transfert. Il y a ici presque une adaptation pour revenir avec une religion, j'utilise des mots pour simplifier, mais clé en main. Ça y est, elle est figée avec le monothéisme et maintenant, on sait clairement en quoi croire. Oui et non, je dirais pas qu'on peut considérer que le judaïsme est figé à ce moment-là. C'est peut-être un peu tôt pour parler de fixation, puisque finalement, si on regarde sur la très longue durée, le judaïsme n'arrête pas d'essayer de se fixer jusqu'à nos jours. Donc, disons qu'il y a des éléments qui ont été construits à partir de cette rencontre entre la petite Judée et la grande Babylonie, des éléments qui restent mais qui sont discutés pendant les siècles suivants. On n'arrête pas de discuter ce que le récit biblique nous donne comme injonction. Ça va être le travail de tous les exégètes, et notamment du Talmud au cours des textes suivants. Et dans ce retour, y a-t-il un aspect qui donne aux exilés une supériorité intellectuelle, parce que ce sont les élites qui ont été exilées, ce sont elles qui ont forgé des textes, qui ont forgé une pensée. Ces gens-là, quand ils reviennent, imposent leur idée tout autour de Jérusalem. Ils imposent, d'abord ils font connaître les textes, des lois qui doivent régir désormais ce pays. Et il y a une scène extraordinaire qui est décrite dans le livre de Néhémie où Ezra monte sur une estrade devant tout le peuple réuni et lit à haute voix la Torah que le peuple semblait avoir oubliée. Donc, on sait maintenant, même peut-être que les 10 commandements n'étaient plus respectés. On sait le Shabbat n'était peut-être plus respecté. Enfin, on en a des preuves d'ailleurs. Oui, ils le disent. Et voilà, ils vont adopter ce mode de vie qui ne s'appelle pas encore judaïsmos, puisque judaïsme, c'est un mot grec forcément, comme on l'entend bien. Et puis, dans ces sources, alors bien sûr, il y a la Torah, il y a la Bible, et il y a aussi Gustave Flaubert. Au fond, plus haut, seul, coiffé de la mitre et vêtu d'écarlate, mange et boit le roi Nabucodonosor. Sa chevelure est tressée, sa barbe aussi. Il y a derrière lui sa statue étouffant des peuples dans ses bras et portant un diadème de pierres creuses qui contiennent des lampes et projettent alentour des rayonnements de toutes couleurs. Aux quatre coins de sa table, quatre prêtres, en manteau blanc et en bonnet pointu, tiennent de grands encensoirs dont ils l'encensent. Par terre se traînent les rois captifs, sans pieds ni mains, auxquels ils jettent à manger et qui se battent à coups de dents pour attraper les morceaux. Devant lui, à une table plus basse, sont assis ses frères et ses parents, les prétendants à l'Empire, qui portent sur leurs yeux un bandeau bleu, étant tous aveugles. Plus bas, enfin, à une troisième table, les jeunes gens d'Israël, Misak, Sidrak, Abdenago et Balthazar. Pierre-Marie Baudouin qui disait « La tentation de Saint-Antoine », Gustave Flaubert en 1849, qui évoque Nabucodonosor. En fait, cet exil-là est constitutif aussi d'une lecture que nous avons. Ce sont des grands repères, hein, Nabucodonosor, l'exil, Babylone, ce sont des mots que nous connaissons. Mireille Hadas-Lebel, j'évoquais en début d'émission cet exil comme la matrice de tous les exils. Peut-on dire cela ? Je crois qu'on peut le dire, quoi qu'il y ait eu l'exode, l'exil en Égypte, mais dont on ne sait pas quelle est la réalité, n'est-ce pas ? De nos jours, c'est beaucoup d'historiens contestent. Et puis c'était une famille qui est descendue en Égypte. Il en est ressorti un peuple, certes. Et même ce peuple s'est formé dans le désert. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Tandis que là, on a voulu déraciner un peuple. C'était l'objectif de ces grands échanges de population, parce que il y avait des échanges. On envoyait des gens de l'Est vers l'Ouest, mais on n'a pas réussi à éradiquer ce peuple malgré l'exil. C'est ça qui est extraordinaire. Sylviane Goldberg, vraiment, c'est la réussite de la construction de la figure de l'exil et savoir même ce qu'est un exilé, un étranger. C'est ça aussi, cet exil à Babylone. Oui. C'est ce que je signalais il y a un instant. Effectivement, c'est l'élément, je dirais, le plus marquant, en tout cas, de cette histoire. Maintenant, ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que on est aussi dans une rencontre. Donc, on l'a déjà évoqué plusieurs fois depuis tout à l'heure. Et dans la figure de l'étranger, il y a ce que l'étranger apporte, ce qu'il reçoit, ce qu'il construit et ce qu'il va transmettre à son retour s'il rentre. Et il me semble que dans l'idée de l'étranger lui-même, il y a toujours cette idée qu'il va rentrer chez lui à un moment ou à un autre. Sinon, ce n'est plus un étranger, c'est quelqu'un qui veut s'installer. Et je crois que c'est là que réside toute la différence fondamentale entre l'idée même de l'exil et la mouvance, la migration, la dispersion. Nous partons au VIe siècle avant Jésus-Christ pour évoquer l'exil à Babylone. Et évidemment, nous sentons combien toutes ces réflexions sont extrêmement contemporaines sur ces notions complexes d'exilés, d'étrangers. C'était extrêmement pertinent ce que vous nous avez raconté l'une et l'autre. Merci beaucoup Mireille Hadas-Lebel. Merci beaucoup Sylvie Anne Goldberg. Et pour le moment, nous continuons notre route puisqu'il nous faut rejoindre avec un immense plaisir Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Qu'est-ce que l'histoire orale ? Le métier d'historien s'est institutionnalisé au début du XIXe siècle autour d'un principe fondamental. L'histoire s'écrit avec des documents. À cette époque, la grande majorité des historiens étaient des spécialistes de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, férus d'épigraphie et de philologie. Le culte de l'archive écrite était donc pour eux une manière de justifier leurs compétences professionnelles. Bien que ces pionniers aient mis au point ce qu'on appelle encore aujourd'hui la méthode historique, il ne faut pas oublier que le mot « histoire » vient du grec « historiai », qui signifie « enquête », terme utilisé par le premier historien reconnu pour avoir recueilli des récits oraux. Il s'agit de Hérodote d'Halicarnasse, qui a vécu à Athènes au 5e siècle avant notre ère. À une époque où les communications écrites étaient encore peu répandues, les principaux instruments de la connaissance étaient la vue, qui servait à observer de ses propres yeux les événements, les objets ou les monuments dignes d'intérêt, et l'ouïe, qui permettait de recueillir la parole des témoins. Hérodote pensait que l'enquête orale était moins fiable et plus compliquée que l'enquête visuelle, mais il estimait qu'on ne pouvait pas s'en passer si l'on voulait connaître les coutumes des peuples lointains transmises par ouï-dire. Une place importante fut aussi accordée à l'histoire orale dans d'autres civilisations. En Chine, par exemple, sous la dynastie Zhou, qui régna au XIIe siècle, des scribes furent sollicités pour recueillir les paroles du peuple afin d'alimenter les récits des historiens de la cour. L'historiographie savante n'a vraiment commencé à s'émanciper du culte des archives écrites qu'après la Seconde Guerre mondiale, pour prendre en compte les témoignages des individus victimes de cette guerre, mais qui n'avaient pas l'habitude de s'exprimer par écrit. La contestation qui a agité les universités à partir de mai 68 a provoqué la multiplication des projets d'histoire alternative, fondés notamment sur le recueil des témoignages et des histoires de vie. Le socio-historien britannique Paul Thompson est considéré comme l'un des pionniers de ce mouvement. En 1971, il a créé la Société d'histoire orale et la revue Oral History, puis il a lancé la première grande enquête nationale d'histoire orale intitulée « Vie familiale et expérience professionnelle avant 1918 » qui a donné lieu à la publication de plusieurs livres. C'est aussi au Royaume-Uni qu'est né en 1966 le mouvement des History Workshops qui s'est beaucoup appuyé sur l'histoire orale pour décloisonner la pratique de la recherche historique en associant des universitaires, des archivistes, des syndicalistes et des historiens locaux. L'histoire orale a également bénéficié des progrès des techniques d'enregistrement audio ou vidéo. Ces matériaux, d'une grande richesse pour l'histoire récente, sont venus compléter les sources écrites conservées dans les dépôts d'archives et les grandes bibliothèques, soit pour confirmer les faits établis, soit pour les invalider. Une méthodologie inspirée des enquêtes de terrain réalisées par les sociologues a pu ainsi être mise au point, intégrant un certain nombre de règles déontologiques concernant la conservation et l'accès à ces archives orales. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et bien sûr sur l'appli Radio France.